الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الله الجهاد، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكل جيل الشيخ رحمه الله تعالى dans la première mas'ala, la première question, ces gens pratiquaient leur adoration en associant Allah à Allah, des hommes vertueux dans la vocation, dans l'adoration. Ils espéraient l'intercession de ces derniers auprès d'Allah, car ils pensaient qu'Allah aimait cette intercession et que ces vertueux aimaient l'intercession. Ici, aimaient Allah, Azza wa Jal. والضمير وأن الصالحين يحبونه يحبون الله كم الله دي ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah et sa parole subhanahu wa ta'ala tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui nous les adorons que pour qu'il nous rapproche davantage d'Allah, Azza wa Jal. Voilà donc la plus grande question sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en désaccord avec eux. Il a apporté la sincérité, c'est-à-dire l'adoration pure, et a informé que c'est la religion d'Allah et celle que tous les prophètes, de tous les prophètes qu'il a envoyés, et qu'aucune action ne sera acceptée sauf celle qui est sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé aussi que celui qui appréciera les actes de ces gens, Allah va lui interdire le paradis et son refuge sera le feu. Et c'est à cause de cela que les gens se sont divisés en musulmans et mécréants, et c'est ainsi que l'hostilité est apparue. Et c'est par laquelle la lutte dans le soutien d'Allah Azza wa Jal fut instaurée. Allah a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah Azza wa Jal. Donc le Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a commencé par la plus grande mas'ala qui est sur laquelle étaient les gens de l'ignorance, de l'jahiliya. Et cette mas'ala là, c'est une question la plus grave, car c'est celle qui fait de la personne soit un kafir, soit un musulman, soit il est musulman, soit il ne l'est pas. Donc nous avions dit précédemment que al-jahiliyatul mutlaqa qad zalat, c'est-à-dire que la période pré-islamique mutlaqa globale a disparu avec l'arrivée et la révélation qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa baqiyat al-jahiliyatu al-muqayyada. Et il reste l'ignorance qui est liée soit à un endroit, soit à une époque donnée, soit à des personnes. Nous avions expliqué et rapporté les preuves de la Sunna et du Coran qui prouve que il y a certains gens qui ont encore de la jahiliya. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Dhar, innaka mru'un fika jahiliya. Tu es un homme où il y a des caractéristiques de la période pré-islamique. Ou lorsque Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Ahzab, aux femmes, et ne vous dévêtissez pas comme vous le faisiez dans la période pré-islamique. Et si cette action subsiste, c'est une action de la période pré-islamique. Donc c'est pour ça que celle-là, elle reste. Comme l'association, elle est restée aussi, jusqu'à notre époque. Jusqu'à notre époque, nous trouvons des gens qui adorent Allah Azza wa Jal, qui vouent un culte à Allah Azza wa Jal, mais qui adorent avec lui autre que lui, subhanahu wa ta'ala. فهذه المسألة, cette question, c'est pour cette question que Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes et descendu les livres. Car les prophètes, lorsqu'ils sont venus, ils sont venus appeler au contraire de cette mas'ala, qui est shirk, billahi azza wa jal. Ils sont venus appeler au tawhid. Et ils ont ankaru ala aqwamihim. Ils ont interdit à leur peuple d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Donc, cette mas'ala, cette question qu'a cité l'auteur, rahimahullah, elle nous explique quelle est la religion des associateurs. Dînul mushrikin. Et nous avions dit précédemment aussi, Wallahu a'lam, je ne sais plus si c'est dans le Masail Jahiliya ou dans Keshubuhat ou dans notre Dars, que Ash-Shirk c'est une religion. L'association est une religion. Comme Al-Yahoudiya, comme Al-Nasraniya, comme le christianisme, le judaïsme, ce sont des religions. Comme le Majusiya, qui est une religion. Et que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Jusqu'à ce qu'il dit Subhanahu wa ta'ala lakum dinukum wa liya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Donc c'est pour cela que le mélange entre at-tawhid wa shirk al-akbar mustahil. C'est-à-dire qu'il est impossible que l'association majeure se mélange avec at-tawhid. C'est impossible. Mustahil. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont dit la qissa, la surah, elle est descendue sur cela, ils lui ont dit tu adores notre divinité une année, nous adorons votre divinité une année. Dans certaines versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit lakum dinukum, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Le shirk ne peut pas se mélanger al-akbar avec tawhid. Mustahil. Donc, le Cheikh Rahimahullah Ta'ala wasafa dina al-mushrikin. Il a caractérisé la religion des associateurs. Quelle est-elle? Par rapport à la description de l'auteur, elle est basée sur quatre choses. La première chose, c'est qu'ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Tout en adorant Allah. Car la parole du Cheikh Rahimahullah, elle nous explique que ils adoraient Allah Azza wa Jal. Il dit, rahimahullah, annahum yata'abbaduna bi-ishrak as-salihin. Ils adorent en associant les pieux. Ce qui nous montre qu'il y a un ishrak. Il y a un ishrak, il y a une association. Donc, ça prouve qu'ils adorent Allah. Et nous avions aussi précédemment cité qu'ils vouaient le culte à Allah Azza wa Jal, mais ils vouaient aussi le culte à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, la première base dans leur religion, c'est qu'ils adorent avec Allah autre que lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'il lui voue à Allah un culte, comme il voue aussi un culte aux autres divinités, notamment l'invocation, le fait d'égorger, etc. Deuxième caractéristique, c'est que يُرِيدُونَ مِنْهُمْ الشَّفَاعَةَ. Ils veulent l'intercession de ces choses qu'ils adorent. فَإِنَّهُمْ مَا عَبَدُوهُمْ إِسْتِقْلَالًا. Et nous l'avons dit plusieurs fois, ils ne les ont pas adorés à part. Ils ne les ont pas considérés comme étant des divinités comme Allah Azza wa Jal. Dans le sens, je parle de la création, du fait qu'il subsiste, du fait qu'il gère, subhanahu wa ta'ala. Mais ils les ont adorés pour se rapprocher d'Allah, pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah, pour qu'ils aient une place auprès d'Allah, Azza wa Jal. Et l'auteur va citer les preuves du Coran. Donc, yuriduna الشفاعه والتقرب من الله. Troisième caractéristique, il dit l'auteur rahimahullah, li dhannihim, là il explique c'est quoi la cause. Li dhannihim anna Allah yuhibbu dhalik. Donc la quatrième chose, c'est qu'ils pensent, ces associateurs, qu'Allah azza wa jal aime qu'ils utilisent des intermédiaires. Qu'Allah azza wa jal aime qu'ils utilisent des intermédiaires pour qu'ils se rapprochent de lui, subhanahu wa ta'ala. Alors que la réalité est contraire. Inch'Allah, nous verrons ça. Quatrième caractéristique. Wa anna as-salihina yuhibbunahu. Et que les pieux, ils aiment aussi cela. Et que les pieux, ils aiment cela. Voilà les quatre choses sur lesquelles se base la religion des associateurs. Lorsque l'auteur dit as-salihin, as-salihin ala thalathati asnaf, il y a trois catégories de pieux. Soit les prophètes et les messagers, soit les anges, soit les pieux parmi les êtres humains en général. Donc qui sont ni des prophètes et des messagers et qui sont ni des anges. Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala, il a cité les preuves et il a expliqué que le prophète alayhi salatu wassalam, vous avez vu les quatre caractéristiques de leur religion, il a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wasallam khalafahum, il les a contredits dans ces quatre choses là et il a fait exactement le contraire de ça. Donc la première chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a appelé à l'adoration d'Allah unique. C'est-à-dire que l'exclusivité de l'adoration soit que à Allah. Alors que eux, dans la période pré-islamique, ils adoraient Allah et adoraient avec lui autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, abtala, il a annulé la première caractéristique. La deuxième caractéristique, il l'a annulé aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en expliquant, lorsqu'il appelait à Tawhid, que l'intercession, elle n'appartenait que à Allah azza wa jal. Et nous avions expliqué cela déjà, que l'intercession, elle n'appartenait que à Allah et que Allah azza wa jal l'a donnée que après son autorisation à qui il veut. Et que c'était à lui qu'il fallait demander. Donc il a annulé la deuxième caractéristique. Ensuite, il a annulé la troisième caractéristique. Allah lui-même et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en appelant. Car Allah azza wa jal, il n'aime pas justement que les gens qui l'adorent prennent, mettent des intermédiaires entre lui et eux. Allah, il veut justement qu'il l'adore directement. كما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الرابع. Il a aussi annulé le prophète صلى الله عليه وسلم la quatrième caractéristique dans le sens où les pieux aiment cela. والعياذ بالله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم est venu pour montrer la fausseté de la religion des associateurs et appeler les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et appeler les gens à l'unicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, at-ta'lil, c'est-à-dire la cause par laquelle ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils pensaient que Allah Subhanahu wa Ta'ala aimait le fait qu'ils prennent des intermédiaires. قال الله تعالى, bien sûr, le fait qu'ils ont pensé cela est basé sur une analogie qu'ils ont fait, qu'on a cité plusieurs fois. Ils ont fait une analogie par rapport au roi de ce bas monde et cela les a menés à l'égarement dans lequel ils sont arrivés. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Allah Azza wa Jal, il a aimé pour vous la foi et il l'a embellie dans vos cœurs et il a détesté pour vous la mécréance. Comment Allah va aimer que les gens ils prennent des intermédiaires et qu'ils font shirk et qu'ils associent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il n'aime pas la mécréance, il n'aime pas l'association. Il n'aime pas les mécréants, il n'aime pas les associateurs Subhanahu wa Ta'ala. Donc il faut savoir que lorsque Allah Azza wa Jal, ou même quand tu lis dans n'importe quel ouvrage ou hadith et qui dit que tu dois te désavouer de l'association, eh bien il faut savoir que lorsqu'ils disent Al-Bara'atu min ash-shirk, le fait de se désavouer de l'association, cela implique trois choses. Cela implique, et nous l'avons dit déjà, cela implique ce qui est adoré, yani at-tarut al-ma'boud, ce qui est adoré, cela implique ceux qui adorent, et cela implique le culte qui est voué, l'action, qui est shirk. Donc tu dois te désavouer de ces trois choses. Lorsqu'ils disent al-bara'atu min ash-shirk, le fait de se désavouer de l'association. En ce qui concerne les pieux, qu'ils aiment cela, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Donc il dit, si vous les invoquez, ils ne vont pas vous entendre. Et s'ils vous entendent, ils ne vont pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont se désavouer de vous. Ils vont se désavouer de vous. Car si la personne qui est adorée en dehors d'Allah est un ange, ou bien un prophète, ou bien un pieux véritable, dans le sens qui est musulman, et qui est adoré Allah Azza wa Jal, etc., il est contre le shirk, lui. Il déteste le shirk. Et si, par contre, c'est un homme qui est pervers, qui est un mushrik lui-même, comme il se peut, surtout à notre époque, certains adorent des gens qui sont même pas des musulmans, même s'ils adorent des musulmans morts, c'est pareil, mais c'est encore pire. Eh bien, ceux-là seront ressuscités avec eux. Ceux-là seront ressuscités avec eux. وقال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, ils ont pris des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils soient des soutiens pour eux. Yani, qu'est-ce que ça veut dire des soutiens? C'est-à-dire qu'ils vont intercéder pour eux auprès d'Allah. Allah, il dit kalla sayakfuruna bi'ibadatihim, ils vont mécroire sur leur adoration. Et ils seront pour eux des ennemis. Yawm al-Qiyamah. ceux à qui t'as voué un culte en dehors d'Allah et avec laquelle t'as cherché à te rapprocher d'Allah, eh bien ceux-là seront en réalité des ennemis pour toi et non pas des alliés. قال الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى اتخذوا من دون الله آلهة أي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزة أي أنصارا وشفعاء يعني أنصارا وشفعاء دي سوتيا et des intercesseurs ينقذوهم من عذاب الله pour qu'ils les sauvent du châtiment d'Allah. إلى أن قال قوله في هذه الآية الكريمة كلا زجر وردع لهم على ذلك الظن الظن على ذلك الظن الفاسد الباطل أي ليس الأمر كذلك لا تكون بعكس ذلك فيكون عليكم ضد. Donc il dit le Cheikh rahimahullah, ils ont pris des divinités pour qu'ils soient le jour de la réaction pour eux des soutiens et des intercesseurs. Il dit, mais cependant, le verset que Allah cite nous montre que ce qu'ils ont pensé, c'est une pensée qui est fausse. C'est pour ça que le Cheikh, rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, adhunnouna, ils pensent qu'ils aiment. Il dit, dhalika dhannul fasidul batil, que c'est une pensée qui est mauvaise et qui est nulle. Et que la situation ne sera pas comme ça, mais ce sera le contraire. Et ils seront contre eux. قال الضحاك رحمه الله تعالى ضدا أي عدوا. Donc ضد, c'est, ça sera des ennemis. Ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui étaient fi'lan, qui étaient des pieux et des, ou des anges ou des prophètes, eh bien ils seront les ennemis de ceux qui les ont adorés. Alors que eux, leur pensée première, c'est qu'en les adorant, ils vont intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal, mais cela sera l'axe. Quant à ceux qui sont mécréants dans leur tombe et qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ceux-là seront ressuscités avec ceux qui les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الدليل, يعني il a cité la preuve qui est ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc nous avons parlé à plusieurs reprises de ces deux versets qu'il a cité l'auteur rahimahullah ta'ala. Et ceci c'est pour prouver que la religion des associateurs à la base, c'est une des bases dans la religion des associateurs, que ce soit aujourd'hui ou avant. C'est le fait de demander l'intercession à ces gens, à ces intermédiaires. C'est le fait de prendre des intermédiaires pour qu'ils les rapprochent d'Allah, pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et malgré le fait qu'ils ont changé le nom, comme nous avions dit, malgré le fait qu'ils changent le nom, qu'ils l'appellent Ash-Shuf'a ou qu'ils l'appellent At-Tawassul, ou qu'il l'appelle par n'importe quel autre nom qui peut apparaître plus bien, eh bien cela ne change pas que c'est de l'association, que c'est du shirk billahi azza wa jal, comme c'est le cas aujourd'hui. Yani aujourd'hui, ils vont faire des actions, te disent non, nous ne les avons pas adorés, mais ils vont égorger pour un mort, pour lui, pour qu'il protège la maison, qu'il ait des enfants, etc. Après, il dit, non, on ne l'adore pas, nous, on adore Allah. Vous comprenez ? Mais il a fait du shirk, billahi azza wa jal. Fal'ibratu bil haqaiq, la bil musammayat. Le plus important, c'est la vérité de la chose et non pas les noms qui lui sont attribués. Qala al-shaykh rahimahullah ta'ala, wal-ladhina attakhadu min dunihi. Donc, din al-mushrikin, c'est exactement ça. Walladhina attakhadu min dunihi, qu'ils ont pris en dehors de lui. Awliya. Al-awliya imma an yakuna min al-mala'ika aw min al-anbiya war-rusul aw min as-salihin. Donc l'awliya, soit il fait partie des anges ou des prophètes ou des pieux. Et c'est ceci la vérité de l'association. C'est le fait de prendre des ma'boudat, des choses qui vont être adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Même si l'objectif c'est de se rapprocher d'Allah, même si l'objectif c'est d'avoir une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut savoir que les associateurs, ils savaient que c'est les anges ou que les prophètes jusqu'à maintenant et que les pieux yani, ne créaient pas et qu'ils ne subsistaient pas et qu'ils ne géraient pas le monde. Ils savaient, ils en avaient la conviction. Malgré tout, lorsqu'ils ont voué leur culte, ils ont voué une partie de leur culte à ces intermédiaires. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il faut se rappeler qu'on nous sommes en train de parler de المسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول أهل الجاهلية. Nous parlons des choses qui ont été faites dans la période pré-islamique sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre. C'est bien ça que nous parlons. Donc il dit l'auteur rahimahullah, voilà donc la plus grande question sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en désaccord avec eux, yani, en désaccord dans le sens où il a fait exactement le contraire. Donc la question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle il était en désaccord et il a fait le contraire, c'est l'association majeure. C'est l'association majeure. Donc même al-mukhalafa, le fait que l'auteur dit khalafahum fiha, le mot n'est pas assez puissant, car il aurait dû dire il a fait exactement l'ex. C'est-à-dire, même, comme il dit Ibn Hajar, rahimahullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, il aimait bien faire comme il faisait les gens du livre. Et il faisait exactement le contraire des gens de l'association. Car les deux ne sont pas au même niveau. Et lorsqu'il est parti à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ibn Hajar, rahimahullah, eh bien, il détestait faire comme les gens du livre. Il n'y a pas une chose que faisaient les gens du livre sans qu'ils fassent le contraire, alayhi salatu wassalam. Donc les récits, ils sont nombreux. Donc le prophète, sallallahu alayhi wassalam, il a fait exactement le contraire. Comment ? Fa'ata bil ikhlas. Yani, le Nabi, sallallahu alayhi wassalam, il est venu avec la pureté dans l'unicité d'Allah, azza wa jal. La sincérité et le culte exclusif à Allah, azza wa jal. Alors que les gens de l'Jahiliya, ils étaient sur l'association. Ils étaient sur le fait d'adorer Allah, mais de vouer un culte à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, en même temps. C'est-à-dire qu'ils adoraient Allah, mais ils adoraient autre que lui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Et nous leur avons ordonné que d'adorer Allah sincèrement, de lui vouer le culte exclusivement. Wa qala Allah ta'ala, ala lillahi ad-din al-khalis. Ala lillahi ad-din al-khalis. Donc, regardez, Allah Azza wa Jal, il a fait un tambih, il a fait un tambih, c'est-à-dire qu'il ala, c'est pour que les gens écoutent, lillahi. Ensuite, il avance, il a mis Allah Azza wa Jal, il a cité son nom, puis il a dit Ad-Din al-Khalis, ce qui explique que cela veut dire qu'il y a l'exclusivité. La religion doit être uniquement à Allah Azza wa Jal. Le culte ne doit être voué qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, أي فاعبدوا الله وحده لا شريك له وادعوا الخلق إلى ذلك وأعلموهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد. ولهذا قال ألا لله الدين الخالص أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. إلى أن قال ولهذا كانوا يقولون في ولذلك كانوا يقولون إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه شبهة التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه avant aujourd'hui. وجاءتهم الرسل بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه. يعني ici il vient d'expliquer رحمه الله ابن كثير tout ce qu'a dit l'auteur رحمه الله. Il dit, Allah veut dire, adorez-le unique sans rien lui associer et appelez toutes les créatures à son adoration unique et informez-les que l'adoration n'est pas acceptée que si le culte lui est voué exclusivement, subhanahu wa ta'ala, car il n'a pas d'égal ni d'associé. Allah dit, certes, à Allah le culte pur. Donc, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas l'action que si elle est sincèrement pour lui, jusqu'à ce qu'il dise, et c'est pour cela que les associateurs, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage dans la période pré-islamique, disaient, nous venons à toi unique, sans associé, sauf un associé que tu as et que tu possèdes. Regardez, subhanallah. وَهَذِهِ شُبْهَةٌ Et ceci est une ambiguïté que les associateurs ont dans les temps anciens comme aujourd'hui. Et les prophètes sont venus en répondant à cette ambiguïté et en l'interdisant et en appelant à son contraire qui est l'adoration d'Allah unique sans rien lui associer. Et cette ambiguïté a été inventée par les associateurs eux-mêmes. Et Allah Azza wa Jal ne l'a pas autorisé, ne l'a pas aimé. Il l'a même détesté et interdit. Yani Allah Azza wa Jal, il a interdit et détesté le shirk et al-mushrikin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec al-ikhlas, avec le fait de vouer le culte uniquement à Allah Azza wa Jal, sincère, sans rien lui associer. Et ceci est une chose sur laquelle il y a le consensus de tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes sont d'accord. Et tous les prophètes sont venus avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. C'est-à-dire que les gens, tous les prophètes sont venus avec le fait que les gens doivent vouer leur culte à Allah unique et se désavouer de toutes les autres divinités et toutes les autres adorations. Donc Allah Azza wa Jal, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. C'est-à-dire nous avons envoyé dans toutes les communautés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Kulli, c'est un lafz de umum. C'est un mot qui est utilisé pour généraliser dans toutes les communautés. Il y a eu un messager qui leur disait adorer Allah et délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceci, la réalité de la sincérité de l'ikhlas. C'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal unique. وَاجْتِنَابُ الطَّاغُوتِ. C'est d'adorer Allah Azza wa Jal unique et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceci le sens de la ilaha illallah en réalité. Le sens de la ilaha illallah. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah. Malheureusement, car celui qui ne connaît pas la signification de cette parole ne peut pas être musulman. C'est impossible. Même s'il répète cette parole jour et nuit. Et Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, il a fait que dans son livre saint, dans le Coran, le livre qui est arrivé à tout le monde, eh bien il a expliqué le sens de cette parole en détail. Il a expliqué le sens de cette parole en détail. Et il n'y a pas une chose qui est plus claire dans le livre d'Allah Azza wa Jal que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Et il n'y a pas une chose qui est interdite, qui est plus claire que l'association d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les deux choses qui sont le plus clarifiées dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Et nous avions rapporté déjà précédemment la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, où il disait que tout le Coran, il parle de tawhid. Tout le Coran, il parle de tawhid. Soit en parlant, en l'ordonnant, soit en l'expliquant, soit en parlant de la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique, etc. Ou en expliquant son contraire, il dit, shirk. Ou en expliquant qu'est-ce que shirk. Ou en parlant du châtiment que vont avoir les gens qui ont fait shirk. Donc c'est pour cela que le Coran entier, en réalité, il parle de التوحيد. سبحانه وتعالى قال وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. C'est un consensus. C'est la religion d'Allah avec laquelle est venu tous les prophètes. Il n'y a pas de divergence sur التوحيد et الشرك entre tous les prophètes. وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte pas de l'action que ce qui est sincère, qui est uniquement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et que lorsqu'une personne fait une adoration et la partage entre Allah et autre qu'Allah, azza wa jalla, eh bien cette action est rejetée contre lui. Il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Abu Huraira, que Allah azza wa jalla, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Il dit Allah, je suis celui qui n'a pas besoin d'associer. Et celui qui fait une action où il m'associe dedans, eh bien je le rejetterai, lui et son action. Donc l'action ne peut être acceptée qu'avec deux conditions. La sincérité, que le culte soit voué uniquement à Allah et qu'il soit conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que le hadith de Aïcha, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est connu par tous, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui va faire une action sur laquelle il n'y a pas notre ordre, eh bien son action va être rejetée. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aussi que celui qui appréciera les actes de ces gens, Allah va lui faire interdire le paradis et son refuge sera le feu. Animan istahsana ash-shirk billahi azza wa jalla. Celui qui a apprécié l'association ou qui l'a pas faite mais qui l'a autorisé, par exemple, certains ne font pas shirk mais ils l'autorisent, ou bien il va faire tawhid, mais il ne va pas se désavouer de shirk. Il ne va pas se désavouer de l'association. Eh bien, tous ceux-là, ils sont dans le même sac. Allah Azza wa Jal dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Certes, celui qui associe Allah Azza wa Jal, le paradis lui sera interdit. Jamais il rentrera au paradis. C'est-à-dire celui qui va égorger pour une tombe, ou qui va invoquer une tombe, un pieu, comme ils disent, ou qui va faire une chose qui est comme cela, eh bien celui-là, jamais il rentrera au paradis. Même s'il a fait 50 fois le pèlerinage, et qu'il a fait 200 jeûnes, et qu'il a fait une multitude d'adorations. Il faut savoir que les associateurs, كانوا يعبدون الله عز وجل, même dans au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui vouaient un culte, et il l'adorait beaucoup, même. Il est rapporté aussi d'Ibn Mas'ud dans Sahih al-Bukhari, من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Celui qui meurt et qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien il va rentrer au paradis. Il va rentrer en enfer. Il va rentrer en enfer. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah, wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nas li ajliha bayna muslimin wa kafirin. Donc il dit l'auteur, c'est ce sujet-là sur lequel les gens se sont divisés. Qui s'est divisé? Les prophètes et ceux qui les ont suivis, et les ennemis des prophètes et ceux qui les ont suivis. Les gens de la foi, les gens de l'unicité, les gens de l'islam et les gens de l'association de la mécréance et des autres cultes. Et c'est ceci qui a divisé. C'est pour ça que les prophètes, lorsqu'ils venaient, alayhim salam, ils divisaient entre les gens. Kanu yufarriquna bayna an-nas. Ils divisaient. Pourquoi? Parce que les gens étaient sur un culte et les prophètes venaient avec le culte sincère, pur. Alors ils naissaient par là deux groupes. Un groupe qui était l'allié d'Allah et des prophètes, et un groupe qui était les ennemis d'Allah et les ennemis des prophètes. Ensuite il dit, alaykoum salam wa rahmatullah. وعندها وقعت العداوة. Et c'est à ce moment-là, يعني, lorsque les prophètes ont appelé à l'unicité d'Allah, lorsque les prophètes ils ont appelé à adorer Allah Azza wa Jal unique, sans rien lui associer, c'est à ce moment-là qu'a commencé l'animosité. L'animosité entre les gens de la foi et entre les gens de l'association et de l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. Donc Allah Azza wa Jal dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qu'il va être ami, allié de ceux qui détestent Allah et son prophète. Même si c'est leurs parents. Même si c'est leurs enfants. Regardez la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est claire dans le fait que celui qui a l'unicité d'Allah, il ne peut pas aimer celui qui à l'association, qui pratique l'association et qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, عندما دعا الرسل إلى التوحيد ودخل الناس في التوحيد بدأت العداوة. Là, l'animosité a commencé entre eux. Donc, il est clair que le mouahid, le croyant, il doit détester l'associateur. Ceci fait partie de tawhid et de la base de tawhid. Il doit détester ceux qui associent Allah Azza wa Jal. Et ceci fait partie de la ilaha illallah. Comme nous disons, beaucoup de gens ne connaissent pas cette kalima. Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc Allah il dit sur Ibrahim que nous avons un bon exemple sur Ibrahim lorsqu'il dit à son peuple, nous désavouons de vous et de ce que vous adorez. Donc elle a commencé l'animosité et le désaveu entre eux. Yani alors que son père faisait partie de ce peuple. Son père faisait partie de ces gens-là. Donc il dit, كَفَرْنَا بِكُمْ, nous avons mécru en vous. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى. Et entre nous et vous, il y a l'animosité et la haine. Dans le sens où vous adorez pas Allah, vous vous associez à Allah, et nous adorons Allah unique, sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Et ceci aussi est valable pour les Yahoud et les Nasara, c'est-à-dire pour les chrétiens et les juifs, qui sont des gens qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans Sahih Muslim, « Walladhi nafsi biyadih, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار حديث رواه مسلم. Donc il a juré le prophète صلى الله عليه وسلم par celui qui détient son âme dans sa main qu'il n'y a pas quelqu'un de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de lui, puis qu'il meurt et qu'il ne croit pas en lui, sans qu'il soit, qu'il fasse partie, sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى pour qu'on finisse, ولأجلها شرع الله الجهاد كما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ. Donc c'est pour cela, il dit l'auteur, que Allah Azza wa Jalla a prescrit le combat dans son sentier. Bien sûr, il faut bien comprendre les paroles, qui est que cette action est une action qui a des règles. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont faire al-fawda, ils vont faire n'importe quoi. Mais c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a prescrit le combat, qui est le fait de ramener les gens à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que la relation qu'il y a eu entre les croyants et les gens qui ont l'unicité d'Allah Azza wa Jal et les associateurs, la première chose c'est que il y a eu l'animosité. Et la première chose qu'ils ont fait c'est qu'il y a eu l'animosité, car c'est cela qui vient lorsqu'il y a deux parties. La deuxième chose c'est que un parti a appelé l'autre à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et que lorsque ce deuxième parti a refusé, eh bien il y a eu la légifération du combat et l'ordre de les combattre comme Allah Azza wa Jal. Hatta la takuna fitna. Al fitna hiya shirk. Al fitna, yani la turpitude, dans le verset, c'est l'association. Hatta la takuna fitna. ويكون الدين كله لله أي معناها أن الناس يخضعون لحكم الله سبحانه وتعالى. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des gens, comme مثلا le hadith de Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, il disait إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة, يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. La première chose que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il envoyait quelqu'un, c'était qu'il lui demande d'appeler ces gens à l'unicité d'Allah عز وجل. À l'unicité d'Allah عز وجل. Et il a dit عليه الصلاة والسلام في الحديث qui est rapporté par Ibn Umar, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. Donc النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il a dit que on lui a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que qu'il ait le message d'Allah et qu'il fasse la prière, etc. Donc c'est pour cela, mes frères, que l'auteur il dit, rahimahullah, wa shara'a Allah al-jihada kama qala ta'ala. Donc al-mas'ala al-oula, la première question qu'il a cité l'auteur, en gros, elle explique la religion des associateurs et elle explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exactement à l'encontre des associateurs. Pourquoi ? Parce qu'il a appelé à l'unicité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'animosité. Pourquoi ? Parce que son appel farraq, il différencie entre les gens. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit le fait de combattre les gens qui associent Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il n'y ait que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, subhanak Allah, bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.